et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini, dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 21e épisode, le coup du télégraphe. La rencontre du faux major Bartolomeo Cavalcanti avec son pseudo-fils Andrea a donné lieu à une véritable scène de vaudeville, au cours de laquelle deux superbes gredins ont été mis en scène par le comte de Monte Cristo. Aussi, dès ce moment, il est prévisible qu'un acte important de la pièce élaborée sous le signe de la vengeance par celui qui fut autrefois Edmond Dantès va se jouer au cours de la soirée d'Auteuil à laquelle sont conviés les Villefort, les Danglars et quelques autres, sans oublier les Cavalcanti, père et fils. En attendant cette soirée, chez les Villefort, les événements semblent prendre une tournure que ne prise guère le procureur du roi. En effet, le vieux Noirtier de Villefort, paralysé et muet, n'approuve pas le projet de mariage entre sa petite-fille Valentine et le baron Franz d'Épinay. Mais qu'a-t-il donc l'intention de faire lorsqu'il exige la venue du notaire? Nous sommes toujours en cette journée fertile en surprise du 2 juin 1838. C'est Maître Plessis, le notaire, monsieur. Qu'il entre. Monsieur, vous êtes mandé par monsieur Noirtier de Villefort, mon père, que voici. Une paralysie générale lui a ôté l'usage des membres et de la voix. Et nous seuls, à grand-peine, parvenons à saisir quelques lambeaux de ses pensées. Moi, monsieur, je comprends tout ce que veut dire mon grand-père. C'est vrai ? Absolument tout, comme je le disais à monsieur en venant. Permettez, mais la première nécessité pour qu'un acte soit valable est que le notaire soit bien convaincu qu'il a fidèlement interprété la volonté de celui qui le dicte. Ah, mais la langue que je parle avec mon grand-père est une langue qui se peut apprendre. Et il faut aussi que je sois convaincu que l'intéressé est saint d'esprit. Avec deux signes, vous acquerrez cette certitude. Comment cela, deux signes? Monsieur Noirtier ferme les yeux une fois, quand il veut dire oui. Et les cligne à plusieurs reprises quand il veut dire non. Vous en savez assez maintenant pour causer avec mon grand-père. Essayez, monsieur. Vous avez entendu et compris ce que vient de dire votre petite fille, monsieur? Vous voyez, monsieur Noirtier a fermé les yeux. C'est oui. Et vous approuvez ce qu'elle dit? Que les signes indiqués par elle sont bien ceux à l'aide desquels vous faites comprendre votre pensée. Oui. Et c'est vous qui m'avez fait demander pour faire votre testament. Il dit oui. Vous voyez, monsieur, qu'il n'y a pas de difficulté. Mais en effet, c'est merveilleux. Mais je ne pense pas que les articles du testament... viennent s'inscrire sur le papier, mot à mot. Non, rassurez-vous, il y a des formules consacrées. Il s'agit tout d'abord d'établir ce qui figurera sur le dit testament. Monsieur, avez-vous quelque idée du chiffre auquel se monte votre fortune? Oui. Je vais vous nommer plusieurs chiffres qui monteront successivement. Vous m'arrêterez quand j'aurai atteint celui que vous croirez être le vôtre. Votre fortune Dépasse-t-elle 300 000 francs? Oui. Possédez-vous 400 000 francs? Il ne répond pas. 500 000 francs? 600 000 francs? 700 000 francs? 800 000 francs? 900 000 francs? Monsieur a fermé les yeux. Vous possédez 900 000 francs. Bien. En immeuble? Il cligne des paupières? Entendez? Non, pas en immeuble. En inscription de rente? Oui. Bien. Alors, précisons à présent. Ces inscriptions sont-elles entre vos mains? Attendez, monsieur. Il y a ici une cassette. Tenez, la voici. Permettez-vous qu'on ouvre cette cassette, monsieur Noirtier? Oui. C'est bien cela. Le compte y est. 900 000 francs. Ah, il est évident que M. Noirtier de Villefort possède tout son esprit, toute son intelligence. Donc, monsieur, vous possédez 900 000 francs de capital, qui, à la façon dont ils sont placés, doivent vous produire 40 000 livres de rente, à peu près. À qui désirez-vous laisser cette fortune? Oh, à Mademoiselle Valentine de Villefort. Sa petite fille le soigne depuis 6 ans. Elle a su capter par ses soins assidus l'affection de son grand-père et je dirais presque sa reconnaissance. Il est donc juste qu'elle recueille le prix de son dévouement. Est-ce donc à Mademoiselle Valentine de Villefort que vous laissez ces 900 000 francs? Il cligne des yeux. La réponse est non. Non. Ce n'est pas Mademoiselle Valentine de Villefort, votre petite fille, que vous instituez votre légataire universel. Oh, je le vois bien. Ce n'est que votre fortune que vous m'ôtez. Mais vous me laissez toujours votre cœur. Cette fois, elle répond oui. Merci, grand-père. Merci. Alors, c'est donc à votre petit-fils Édouard de Villefort, que vous laissez votre fortune, cher monsieur Noirtier? Non. Alors, c'est à monsieur votre fils, ici présent. Ce n'est pas à vous non plus, monsieur. Mais qu'avons-nous donc fait, bon papa? Vous ne nous aimez donc plus? Voilà monsieur Noirtier qui regarde votre main, mademoiselle. Ma main? Vous voyez bien que mon pauvre père est fou. Ah, mais je comprends. Il s'agit de mon mariage, n'est-ce pas, grand-père? Tu nous en veux pour le mariage? Oui, mais c'est absurde. Pardon, monsieur, tout cela est très logique au contraire et me fait l'effet de s'enchaîner parfaitement. J'ai déjà été témoin de pareilles choses. Grand-père, tu ne veux pas que j'épouse monsieur Franz d'Épinay? Apparemment, c'est non. Et vous déshériteriez votre petite fille parce qu'elle fait un mariage contre votre gré. De sorte que sans ce mariage, elle serait votre héritière. C'est oui. Je suis seul maître de la main de ma fille. Je veux qu'elle épouse Franz d'Épinay. Et elle l'épousera. Monsieur, comptez-vous disposer de votre fortune en faveur de quelqu'un d'autre de votre famille? Non. Dans ce cas, en faveur des pauvres, alors. Oh, pauvre. Vous savez, monsieur, que la loi s'oppose à ce que vous dépouilliez entièrement votre fils. Si vous continuez à vouloir disposer de tout, après votre mort, on attaquera le testament. Mon père me connaît, il sait que sa volonté sera sacrée pour moi. Et d'ailleurs, dans ma position, je ne puis plaider contre les pauvres. C'est une résolution prise dans l'esprit de mon père et je me résigne. Ces 900 000 francs sortiront de la famille pour aller enrichir les hôpitaux. Mais je ne céderai pas à un caprice de vieillard. Je vous laisse rédiger ce testament. Allons, venez, Héloïse. Qu'y a-t-il, Pasquier ? Monsieur le comte de Monte Cristo est là, monsieur. Je vais le recevoir. Venez-vous, cher ami. Je vous suis dans un instant. J'étais venu pour... Mais qu'avez-vous donc, monsieur de Villefort ? Suis-je arrivé au moment où vous dressiez quelque accusation capitale ? Non, monsieur le comte, il n'y a pas d'autres victimes ici que moi. Vous est-il arrivé quelque malheur grave ? Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Simple perte d'argent. Je me blesse surtout d'une disposition du sort qui détruit peut-être l'avenir de ma fille par le caprice d'un vieillard tombé en enfance. Est-ce votre père qui vous donne ce chagrin ? Mais vous m'avez dit que toutes ses facultés étaient anéanties. Oui, ses facultés physiques. Cependant, il pense et il veut. Dans ce moment, il est occupé à dicter un testament dans lequel il déshérite sa petite fille de 900 000 francs. Mais alors il a parlé ? Mais il a fait mieux, il s'est fait comprendre à l'aide du regard. Ses yeux ont continué à vivre et il tue. Oh, mon ami, peut-être exagérez-vous un peu la situation. Madame, il n'y a pas moyen de le faire revenir sur sa décision. Si fait ! Il ne dépend même que de mon mari que ce testament, au lieu d'être fait au détriment de Valentine, soit fait en sa faveur. Ma chère, le père du baron d'Épinay était mon ami. Une alliance avec son fils était des plus convenables. Ce mariage doit se faire. Malgré la volonté de votre père ? Et quoi ? Monsieur Noirtier de Villefort déshérite mademoiselle Valentine parce qu'elle va épouser le baron Franz d'Épinay ? Oui, voilà la raison. La raison visible, du moins. La raison réelle, madame, croyez-moi, je connais mon père. Conçoit-on cela ? En quoi monsieur d'Épinay déplaît-il plus qu'un autre ? J'ai connu Franz d'Épinay. Le fils du général Quesnel, n'est-ce pas, qui a été fait baron par le roi Charles X. Justement. Et ne connaissez-vous pas les raisons de monsieur votre père ? Quelque antipathie politique, peut-être ? En effet. Mon père et le général Quesnel ont vécu dans des temps orageux. Mais votre père n'était-il pas bonapartiste ? Non, il était jacobin avant toute chose. Quand il conspirait, ce n'était pas pour l'empereur, c'était contre les Bourbons. Ils se seront rencontrés sur le sol de la politique. Le général, quoiqu'ayant servi sous Napoléon, n'avait-il pas au fond du cœur gardé ses empreintes royalistes ? N'est-ce pas le même Quesnel qui fut assassiné un soir en sortant d'un club napoléonien où on l'avait attiré dans l'espérance de trouver en lui un frère ? Oui, c'est cela. Et c'est justement à cause de ce que vous venez de dire que, pour voir s'éteindre de vieille haine, j'avais eu l'idée de faire aimer deux enfants dont les pères et... Les grands-pères s'étaient haïs. Idée sublime, à laquelle le monde devait applaudir. En effet, c'était beau de voir mademoiselle Noirtier de Villefort s'appeler madame Franz d'Épinay. Aussi, quoi que ce soit, un grand malheur pour Valentine de perdre la fortune de son grand-père, le mariage se fera. Valentine est encore riche du bien de sa mère administré par monsieur et madame de Saint-Méran, ses grands-parents maternels qui la chérissent tendrement. Qui valent bien qu'on les aime et qu'on les soigne comme Valentine a fait pour monsieur Noirtier. D'ailleurs, ils vont venir à Paris dans un mois au plus. Mais il me semble que monsieur Noirtier a aussi un petit-fils, ce cher Édouard. N'est-ce pas ? Et même déshérité, Valentine sera encore 3 fois plus riche que lui. Peut-être vaudrait-il mieux que l'on confiât cette aventure à monsieur d'Épinay et qu'il rendît lui-même sa parole. Ce serait un grand malheur. Un mariage manqué, même pour des raisons d'argent, jette toujours de la défaveur sur une jeune fille. Et puis, d'anciens bruits que je voulais éteindre reprendraient de la consistance. Ah, je pense comme monsieur de Villefort, madame. Il faut faire ce mariage. Je me prévaudrai de l'opinion d'un conseiller tel que vous, comte. Vous nous quittez, monsieur ? J'y suis forcé. J'étais venu seulement vous rappeler la soirée que je donne samedi. Ah, nous avons reçu votre invitation et nous n'aurions garde d'y manquer. Est-ce dans votre maison des Champs-Élysées que la réunion a lieu? Non pas, et c'est ce qui rend encore votre dévouement plus méritoire. C'est à la campagne, aux portes de Paris, à Auteuil. À Auteuil? Oui. Ah, c'est vrai, l'accident de ma femme, c'est chez vous qu'elle avait été transportée. Mais à quel endroit d'Auteuil? Rue de la Fontaine. Rue de la Fontaine? Oui. À quel numéro? Au numéro 28. Mais c'est donc à vous que l'on a vendu la maison de Monsieur de Saint-Méran? Non, cette maison appartenait donc à Monsieur de Saint-Méran? Ma foi, je l'ignorais. Eh oui. Vous trouvez cette maison jolie, n'est-ce pas? Oh, charmante. Eh bien, mon mari n'a jamais voulu l'habiter. Vraiment? Non, mais je n'aime pas Auteuil. Mais vous viendrez samedi? Je ferai tout ce que je pourrai. Samedi à 6 heures. Si vous ne veniez pas, je croirais... Que sais-je, moi, qu'il y a sur cette maison inhabitée depuis plus de 20 ans quelques lugubres traditions, quelques sanglantes légendes? J'irai, monsieur le comte, j'irai. Merci. Bien, maintenant, il faut que vous me permettiez de prendre congé de vous. Puisque vous y êtes forcé. Je vais, madame, visiter une chose qui m'a souvent fait rêver des heures entières. Un télégraphe. Un télégraphe? Eh, mon Dieu, oui. J'ai vu parfois au bout d'un chemin sur un tertre se lever ses bras noirs et pliants, pareil aux pattes d'un immense coléoptère. Et jamais ce ne fut sans émotion, car je pensais que ces signes bizarres, fendant l'air avec précision et portant à 300 lieues la volonté inconnue d'un homme assis devant une table à un autre homme assis à l'extrémité de la ligne devant une autre table, ces signes se dessinaient par la seule force de ce chef tout-puissant. En effet, il m'est arrivé d'y songer moi aussi. Et voilà qu'un beau matin, j'ai appris que le moteur de chaque télégraphe était un pauvre diable d'employé à 1200 francs par an. Alors je me suis senti pris du désir d'en voir un de près. Ce qu'il me faut, c'est un télégraphe en plein champ. Quelle ligne me conseillez-vous d'étudier? La plus occupée à cette heure, celle d'Espagne. Et quel est le poste le plus proche? Celui de Châtillon. Ah, celui de la tour de Montlhéry, je crois, oui. Merci. Au revoir. Samedi, je vous raconterai mes impressions. Au revoir. Monsieur vient pour voir le télégraphe? Oui, monsieur, oui. Si toutefois cela n'est pas défendu par les règlements. Oh, pas le moins du monde. Attendu qu'il n'y a rien de dangereux, et vu que personne ne sait ou ne peut savoir ce que nous disons. En effet, il paraît que vous répétez des signaux que vous ne comprenez pas vous-même. Certainement, monsieur. Et j'aime bien mieux ça. De cette façon, je n'ai pas de responsabilité. Je suis une machine, et pas autre chose. Je fonctionne... Et on ne m'en demande pas davantage. Combien recevez-vous d'appointements pour faire la machine? 1000 francs par an. Ah, ce n'est guère. Non. Mais on est logé, comme vous voyez. Oui. À la longue, cette vie doit paraître insipide. Oh, nous avons nos jours de récréation. Et nos jours de congé. Vos jours de congé? Oui. Ceux où il fait du brouillard. C'est juste, oui. Et que faites-vous ces jours-là? Je m'occupe de mon jardin. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis 15 ans. J'ai 55 ans. Ah. Combien de temps de service vous faut-il pour avoir la pension? Oh, monsieur, 25 ans. Et de combien est cette pension? Elle est de 100 écus. C'est fort intéressant. Et vous ne comprenez rien, absolument, à vos signes? Rien. Vous n'avez jamais essayé de comprendre? Pourquoi faire? Ah, voilà mon correspondant qui se met en mouvement. Ah. Il me demande si je suis prêt. Et vous lui répondez? et par un signe qui apprend en même temps à mon correspondant de droite que je suis prêt, tandis qu'il invite mon correspondant de gauche à se préparer à son tour. Vous allez voir, dans 5 minutes, il va parler. Avec vos 1000 francs, vous vivez mal. Assez mal. Si vous aviez le malheur de tourner la tête quand le correspondant de droite va marcher, qu'arriverait-il ? Je ne le verrai pas. Et je ne pourrais donc pas répéter ses signaux. Et je serais mis à l'amende de 100 francs. Et si vous vous avisiez de changer quelque chose au signal, ou d'en transmettre un autre ? Je serais renvoyé. Et je perdrais ma pension. Aussi jamais je ne ferai rien de tout cela. Pas même pour 15 ans de vos appointements ? Pour 15 000 francs ? Monsieur, vous m'effrayez. Vous voulez me tenter ? Laissez-moi regarder mon correspondant de droite. Non, au contraire, ne le regardez pas. Et regardez ceci. Des billets de banque de 1000 francs. Oui. Il y en a 15. Ils sont à vous, si vous voulez. Monsieur, voilà mon correspondant de droite qui marche. Vous m'avez distrait, là, je vais être à l'amende. Non, laissez-le faire. Et prenez ces billets. Mais ce n'est pas tout. Avec vos 15 000 francs, vous ne vivrez pas. J'aurai toujours ma place, après avoir payé mon amende. Non, vous la perdrez. Car vous allez faire un autre signe que celui de votre correspondant. Oh, monsieur, mais que me proposez-vous là ? Voici 10 autres 1000 francs. Cela fera 25 000. Mais... Avec 5 000 francs, vous achèterez une jolie petite maison et 2 arpents de terre. Avec les 20 000 autres, vous vous ferez 1000 francs de rente. Mon Dieu, un jardin et 1000 francs de rente. Mais prenez donc. Et que dois-je faire ? Rien de bien difficile. Répétez les signes qui sont inscrits sur ce papier. Il n'y en a que 3, comme vous voyez. Ça ne sera pas long. Et ensuite, vous serez riche. Oui. Mais à quel prix ? N'ayez pas de remords. Vous ne faites de tort à personne. Et vous servez les projets de Dieu. Lucien. Votre mari a des coupons de l'emprunt espagnol ? Oui, pour 6 millions. Qu'il les vende, cher ami, à quelque prix que ce soit. Don Carlos s'est sauvé de Bourges et est entré en Espagne. Comment savez-vous cela ? Une dépêche télégraphique vient d'arriver au ministère. Elle ne paraîtra dans la presse que ce soir. Tenez, lisez. Le roi Don Carlos a échappé à la surveillance qu'on exerçait sur lui à Bourges et est entré en Espagne par la frontière de Catalogne. Barcelone s'est soulevée en sa faveur. Vous avez raison, monsieur Debray. Il faut que le baron vende. 2 400, je crois. 1 900. C'est insensé. Rien ne justifie une telle baisse. Rien ne laissait présager ce matin une telle remise sur le marché. Tout à fait d'accord avec vous, mon cher. L'emprunt espagnol était encore coté à la hausse. Oui, mais ce qui est vrai, pourtant, c'est que Danglars vient de vendre tous ses coupons à la baisse. Et depuis, vous entendez, les cotes dégringolent. Tout de même, quoi. Si Danglars vend, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire, non ? Il a toujours été bien renseigné, le vieux honneur. Eh bien, en tout cas, moi, j'attends plus. Je vends. Et à 250. Écoutez cela, Madame Danglars. J'ai vendu, comme vous me l'aviez conseillé hier. Eh bien, écoutez ce que dit ce matin le Moniteur. Le roi Don Carlos n'a pas quitté Bourges, et la péninsule jouit de la plus profonde tranquillité. Un signe télégraphique mal interprété à cause du brouillard, sans doute, a donné lieu à cette erreur. Est-ce possible ? Sur la foi de vos renseignements, j'ai vendu, je vous le dis encore. Et j'ai perdu 500 000 francs. 500 000 francs? Mais ce n'est pas tout! Les fonds ne vont pas se contenter de rattraper le terrain perdu. Ils vont sûrement monter au-delà. Et le manque à gagner ne sera pas négligeable. Au bas mot, on peut envisager la perte à 1 million. Oui, oh, mon Dieu. Oui, 1 million, madame. 1 million sur lequel, hélas, vous ne toucherez aucun pourcentage. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrié et Serge Martel. Aujourd'hui, 21e épisode, Le coup du télégraphe. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Barrois, Pierre Riche. Gérard de Villefort, André Oumanski. Valentine, Marie-Hélène Breya. Le notaire, Yves Pénaud. Monsieur Noirtier, Louis Amiel. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. L'homme du télégraphe, Jean-Claude Bouillot. La baronne Danglars, Claire Morier. Lucien Debray, Gilles Guillot. Danglars, Alain Motet. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1980. Vous pourrez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre, demain, à la même heure.